Vacances c'est de moi, c'est. Elles savent qu'on attendait. Couche-toi, t'as le bon jour du quartier. Brrrr, t'attendais. Vacances c'est de moi, c'est. Elles savent qu'on attendait. Couche-toi, t'as le bon jour du quartier. Brrrr, t'attendais. Aisé, un niquage de mer et j'en aillais. Un seul coq vient dans le poulailler. J'ai niqué la go, mais c'est normal, j'ai tout payé. Reste numéro uno, comme ça on va pas oublier. J'ai pris le jet, ma set est en bouteille. Ta carrière de chien ne vaut même pas mon mobilier. En bas tu l'as repéré, en vrai c'est la boîte, tu l'as bélier. J'ai niqué la go, mais c'est normal, j'ai tout payé. Je reprends ton flow, c'est pas moi qui te l'a donné. On sait rien, c'est que deux soirs, j'te parle sur aucun TV. Mais t'es au Bogota, j'fais 3 millions de kilos, c'est à la facile. Moi j'mets en difficulté, j'nique des méas, carottes, fuck un accident de jeunesse. Pour lui, on est sous, charme comme les sommes, je laisse. On m'a un PNL, mais t'es au aide la banlieue ouest. La go a dans son chlène, rapide, rapide, t'es de l'est. Aucune infraction dans ton CV. J'mets pas de bœuf dans ma chicha. Collage à droite ton CV. Année du dragon négro aîné. J'épargne aucune maman sans celles qui ont dû aider. Moumou de mes dogos, bozo tu es pardonné. Tu t'es pris pour le Charlie à un moment donné. Ce sont des choses qui arrivent, petit sur un que tu aimes. Si j'en suis là, zongo, c'est pas ce que j'ai charbonné. Gâteau, dama, dozo, ou déjà vous te connaît. J'suis dans l'air, pas dans le bouchon, moi pas connaître clatonner. Ton casier est vierge, même pas une peine à ménager. Bon, ils ouvrent la mer en deux, perso j'y serais jamais allé. Non, non, j'lâcherais pas le steak, encore moi la chicken wings. Le matin devant le miroir, j'ai la moitié tout comme Vince. Rafale de 1.43, ah, sur ce qu'il est skin. Le FLOWB n'est pas clair, demande à qui est-ce. Le niquage de mer et j'en ai, yeah. Un seul coq, zéro dans le poulailler. J'ai niqué la go, mais c'est normal, j'ai tout payé. J'reste numéro uno, comme ça on ne peut pas m'oublier. J'en suis pas les meilleurs, sauf celle de Patrice Carter, on a le choix. Daniel Sapta, sodomisé, j'étais au sketch, roulais mon joint. J'en suis pas les meilleurs, sauf celle de Patrice Carter, on a le choix. Daniel Sapta, sodomisé, j'étais au sketch, roulais mon joint. La piraterie n'est jamais finie, la piraterie n'est jamais finie. Ta carrière est tombée de nez, je ne fais que quand je vais l'aimer. Je ne sais pas ce qu'on est mêlé, la piraterie n'est jamais finie. Venez, casse de